spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Le lundi 4 décembre 2019, monte le volume et hume la différence, mon ami. C'est parti, mon kiki. Oui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ben oui, Laura, pis le petit Coron, tu te souviens de cette histoire-là? Ben voyons! Pis on dirait que le mois de décembre, là, la tête te dégonfle. C'est qu'au contraire, au mois de décembre, faut que ça se gonfle, ça, ce cervelet-là, faut que ça prenne toute la grisure, pas la grisure dans le sens de... Non, la grisure de la matière grise. Oui, je sais, ça porte à confusion. Comme toute mon émission, en général, porte à confusion. Mais non, faut le dire, Raymond, mais je veux revenir à Malora. Puis le petit Coron. Le petit Coron, mon doux. Ça, c'est Laura qui disait, mon petit Coron, qu'est-ce qu'on fait, mon petit Coron, à soir? C'était des... Puis petit Coron, lui, ce qu'il avait, ben il l'avait. Non, mais il y en a beaucoup qui s'imaginent l'avoir puis qui l'ont pas. Mais lui, il l'avait. C'est un amoureux de vieilles voitures. C'est en train de m'étouffer. C'est bon en début, hein? Au début, c'est très bon. Mais meurt vers la fin. Moi, je te conseille, là, comme la plupart des vivants, de mourir vers la fin. Parce que mourir au début, j'ai jamais vu ça, moi. Quoique, il y en a qui meurent déjà avant de... Mais ça, c'est une autre histoire. Ça fait que... Oui, à Laura, non, à Laura. Laura, elle s'appelait même pas Laura. Elle s'appelait même pas Laura. Elle trouvait tellement son prénom étrange qu'elle n'a jamais voulu qu'on l'utilise véritablement. Donc, elle se faisait appeler Laura. Mais elle s'appelait Honora. Son petit Coron, il restait petit Coron, lui. Lui, c'était Ignace. Hey, Ignace. Petit Coron puis Ignace. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, hein, pendant les festivités, ils commencent déjà un petit peu à se montrer le bout du nez. Madame Thibodeau le sait bien. Elle est pas à mon émission actuellement. Non. Elle est inconfortable. Elle m'a appelé là, avant-hier, elle dit Rénal. Imaginez-vous, 48 heures avant mon émission. Voyons, je me rends. Excusez-moi, je dis voyons parce que je suis en train de mourir. Attendez, je vais prendre un petit verre d'eau, pas de glace. Mais parce que si je mets de la glace, on dirait que ça me coupe le sifflet. Mais je suis pas Attendez, je vais prendre un petit peu de... Bon, on aura l'aura. Bon. Le petit Coron. Et eux... Tu sais, pendant les soirées, là, endiablées, parce qu'ils aimaient bien recevoir. Ça, c'est leur grand plaisir, c'était d'inviter la famille. Bon, il y avait René, qui allait des fois avec les enfants, il y a des enfants, puis sa femme. Et c'était des fêtes qui ne finissaient plus. Là, le petit coron, lui, Ignace, prenait l'accordéon, il jouait de l'accordéon. Puis il y en aura quand elle avait un petit coup dans le nez, là, tu sais. J'ai toujours dit, moi, à tout le monde, n'ayez pas le coup dans le nez parce que ça fait mal en tire-bouchon. Dans le nez, tire-bouchon. OK. Fait que là, eux autres, là, ils prenaient des envolées, puis ils entraient, comme à cette émission-ci, très souvent, en transe. Ignace avec son accordéon, puis on savait qu'ils jouaient. Parce que les deux aimaient cet instrument-là. Petit coron, lui, il pompait, là. On sentait, c'était lui. Tandis que l'autre était plus longiligne. Ça, c'est de l'accordéon, mais buccal. Là. Je peux pas vous le faire. Moi, je joue pas d'accordéon. J'en ai pas. J'en ai eu un quand j'étais petit, là, mais c'était... Ouf. Ouf. Ouf. Mais il jouait par oreille. Toute la famille, ben, dans tout au Québec en général, là, toutes les familles jouaient à l'oreille. Il y avait les violonneux. C'était pas des... Faut faire attention, là. Il y a des violoncellistes... Hein? Et il y a des violonneux. Les violonneux, c'est ceux qui ont pris ça dans leurs bras. Ils sont placés ça devant le cou. Le cou, j'ai dit, madame. Le cou. Oui, ben je sais, j'ai une autre phrase qui s'appelle la téléoscopie. La téléoscopie. Téléscopie. En tout cas. Hein? On va-tu la dire, celle-là? La la téléoscopie. Non, mais il y en a qui s'imaginent que c'est de se rentrer de l'information par le trou de pète. Mais là, Honora puis Ignace ont deux. Ticoron, Ignace, Ticoron, c'est la même chose. Là. C'est, je veux dire, c'est la même personne. Puis Honora puis Laura, c'est aussi la même personne. Là, vous avez compris depuis quoi? Ça fait quoi? 6 minutes que j'essaie de placer les personnages, là? Puis eux, quand ils jouaient, ils entraient en transe. Faut dire que le gros gin aidait pour entrer en transe. Hey, c'était pas du petit gin, là, c'était du gros gin. Du gros gin. Mais elle, là, Laura, parce qu'elle veut pas que je dise son autre prénom, juste le fait de voir la bouteille, elle buvait pas. Mais elle regardait la bouteille, puis on dirait qu'elle était déjà un peu feeling, oh, feeling, c'est mieux avec l'écho, hein. Allô, on entend moins ma voix, ça masque. Feeling, wow, le feeling, là. Elle a juste à voir la couleur, puis l'étiquette, là. Puis le dry, on dirait que le dry gin, ça répondait plus dans son cerveau, là. Je vous jure qu'elle buvait pas. Mais il y a des verres qui passaient sous le nez, là, tu sais. Fait qu'elle sniffait un peu, là. Tu sais, elle humait, elle s'allumait en humant, elle. Elle s'allumait en humant. En humain, en jumant. Ah non, mon doux Seigneur, Madame Tremblay! Elle s'allumait juste en humain. Trois gros jambons s'en vont, Seigneur. Ouais, ouais, ma petite humain. Ouais, ouais, petite. J'aimerais ça avoir un micro au niveau de la cuisse, on entendrait ça. Mais comme j'ai juste un micro au niveau de la bouche, faudrait que je m'amène la cuisse à cette hauteur-là. Hein? On va essayer ça. Ah ouais, petit. Ah ouais, là, je suis pas une contorsionniste au Cirque du Soleil, moi, là, je suis un animateur de radio à CKRL. Les lundis. Faut que c'est... Ah non, mais dites-le à vos amis, là. Et moi, je voulais juste te raconter une petite anecdote savoureuse, moi, Rénal. On n'a pas le temps. Ah, c'est savoureux. OK, vas-y. Moi, je prenais mon congé. Moi, je fonceur dans la vie, moi. Ah, je me suis toujours dit, je vais foncer. Vers quoi? Je sais pas. Je vais foncer n'importe où. Parce que juste le fait d'y aller, ça fait du bien, hein? Faut y aller une fois par jour parce qu'on bedonne la bedaine. Mais pas se foncer de ce genre-là. Moi, c'est foncer, là, vers quelque chose. Et puis, donc, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en congé, moi, le vendredi. pour écouter ton émission à l'époque. Tu sais, à l'époque, est-ce que tu te souviens de cette époque-là où tu étais diffusé le vendredi? Puis à une autre époque aussi, tu faisais une émission le samedi. Hein? Bon, là, tu me mêles. Fait que je prends mes congés selon ta disponibilité radiophonique. Quand tu as la disponibilité radiophonique le lundi, j'ai dit à mon patron, je prends plus le vendredi de congé, je prends le lundi. Là, il m'a demandé comment ça, la majorité veulent avoir le vendredi. Le lundi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire le vendredi! Non, c'est pas ça. Il va se reprendre. Il n'y a rien à faire le lundi! Je suis toujours branché sur le vendredi. Voyons donc, le vendredi, c'est fini, ça là. Vendredi, il n'y a plus rien à glander. Tout se passe le lundi, le début de semaine. Puis en force, hein, s'il vous plaît. Hier, non, je suis trop excité. Aimez-vous la liaison trop excitée? Oui, c'est ça, Mme Thibodeau. Exactement. Il faut se recréer un autre rouage, un rouage. Une compréhension aussi changer la cassette. C'est important de changer la cassette, là. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour changer une cassette. Moi, là, je vais vous le dire quand je le fais régulièrement. C'est-à-dire au travail, quand il arrive quelque chose et que je dois passer à autre chose, ça me prend grosso modo, là. Comme disait Gainsbourg, là, les papadames, là, relaxe un peu, là. On va faire le tour, mais rapidement. Ça fait une semaine. Ça me prend une semaine. Et comme je fais une émission à chaque semaine, donc, une semaine, c'est 7 jours. Donnez-moi un mois et demi. Un mois et demi. Avez-vous compris le principe, là? Normalement, c'est pas les jours ouvrables. Ah oui, bien, c'est sûr que quand je travaille pas, la cassette, je l'enlève, là. C'est comme, je vous dis un petit truc. Lorsque vous, si vous travaillez en habit clown, comme je dis souvent, qu'est-ce qu'un habit de clown? C'est l'habit que vous utilisez pour aller travailler. En arrivant chez vous, enlevez votre habit de clown. Redevenez vous-même. Tu sais, ça prend pas parce que, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai vu à la télévision un professionnel de je sais pas quoi, là, puis qui disait, ben écoutez, si vous voulez vous sentir à l'aise là, à la maison, lorsque vous retournez chez vous, enlever ce que vous portiez au travail. Et c'est compliqué à savoir, ça. Ça le je suis sûr que cet individu-là n'a pas fait des études universitaires. Si oui, moi, j'ai creusé le fond. C'est pour ça. Ah oui, j'ai creusé tellement le fond que quand je suis revenu en haut, j'avais un plat de riz. Riz fond. Pas griffon, c'est pas une banque. Non, je fais pas de la publicité de bière, mais hein, quand on creuse, on nous disait, faites pas trop de bruit, les Chinois vont entendre. Les Chinois, parce qu'en bas, c'est la Chine. La terre est ronde, madame, c'est pas une pizza, là. C'est pas une pizza, là. Mais quoi que si c'est une pizza, hein, en dessous, c'est la croûte. Fait que, en même temps, la croûte terrestre, la croûte pizza, on n'est pas loin. Ça fait que là, on aura... C'est pas pire, hein? On aura... Parce que c'est mon histoire principale. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous? Écoutez, on aura, puis... Le petit coron! Mais j'écoutais, ne vous déplacez. Ah, vous écoutiez! Étiez-vous en transe, vous aussi? Ben, il y a quelques minutes, là, je sentais la transe. Mais, ah oui! Qu'est-ce que ça sent, la transe? Intéressant, là. On se pose-tu des bonnes questions au Québec? Bon, on passe une chanson, on appelle, on chante une chanson, non, c'est pas ça. Laura, il y en a un, là, qui jouait, normalement, c'est sa femme, qui voyait passer les dry gin, puis les gin, puis qui s'allumait juste en humant, puis en visualisant. Essayez de dire visualiser, vous. Allez-y. Je vais vous le dire, oui, c'est visualiser. OK. Dites-le deux fois. Visualiser. Oh, vous avez bafoué sur le premier visualiser. Ben oui, mais c'est visualiser. Ben oui, ben en tout cas, on ne fera pas d'émission sur la visualisation. Hé, monsieur, hein? visualisation, mais nous allons nous attarder au Ticoron puis à Laura. Ticoron, lui, prenait l'accordéon. Honora, lui, elle, excusez-moi, parce que c'est une elle. Ben oui. Hey, elle et lui. Honora se lançait dans des chansons qu'elle connaissait même pas. Elle était emportée, quand je vous parlais de trans, elle était emportée, pour ne pas dire comme Alain Bachung, emportée, transportée. Puis là, elle arrivait avec les... En écoutant ma mère, j'ai doucement cherché l'envie de transpercer. Mais là, elle chantait, mais sans paroles. Ben, avec des paroles, mais pas des paroles déjà écrites. Elle improvisait. C'était de toute beauté. Mais j'en connais une aussi qui fait ça. En attendant tout doucement le petit dernier qui se gratte le nez, tout effaronné en moins. Là, elle mettait de la réalité connue, hein, de la chanson populaire, même folklorique québécois. Bon, peut-être pas que... Ah ouais, ma petite... Ah, ça doit être québécois, ça. Ah ouais, ma petite jument, deux gros jambons, va ça. Ah oui. Deux gros jambons, sans bon seigneur. Ah ouais, ma petite jument. Je n'aime pas ces caraquettes-là, mais... Ah, ça, j'aime ça. Parce que l'autre, on l'entend pas. Mais enlève l'écho. Entendez-vous ça, vous? On dirait que c'est un serpent. Là, j'en ai trois caraquettes que je brosse en même temps, là. Ça vaut pas. Puis, c'est en bois. C'est le bois qui fait. L'autre, c'est en plastique. Puis, ils n'en ont pas mis beaucoup de petits pois dedans. C'est comme dans ma tête. J'ai un petit pois, mais il se promène partout. Oh! Ah ouais, ah ouais, ma petite petite. Ah ouais, ah ouais, ma petite jument. Deux gros jambons sans bon seigneur. Ah ouais, ma petite jument. Ah ouais, ah ouais, ma petite, petite, petite. Petite, est tellement petite. Elle est tellement petite qu'elle est tombée dans l'océan. Puis là, vous allez me dire, pas besoin d'être petit pour tomber dans l'océan. Mais c'est son océan, c'était un océan de larmes. Puisque sa maîtresse s'appelait Laura. Elle cherchait sa petite Bambi. J'ai oublié de vous parler de Bambi. Bambi, c'est son chat. Ticoron, puis Laura avait un chat. Excusez-moi. Ça nous. Quand ça nous, on n'entend pas, hein? Remarquez-vous, quand ça nous. Nous vieillirons pas ensemble. Nous vieillirons pas ensemble. La chanson de Léo Ferrat. Non, c'est Jean Ferrat. Nous ne vieillirons pas ensemble. Nous ne vieillirons pas ensemble. Nous ne vieillirons pas ensemble. On vieillira pas ensemble. C'est pas sa chanson, ça? Je reconnais pas. Alors, moi, mais parce que j'ai pas le rythme. J'ai pas le rythme dans la peau. Moi, j'ai le rythme dans le sang. Est-ce que la question de la semaine... Mieux vaut... Là, vous me répondez-moi sur mon courriel. Mieux vaut-il... Mieux vaut-il, mon libi, la milagrine? Mieux vaut-il avoir le rythme dans le sang ou le rythme dans la peau? Mais imagine-toi, si c'est dans le sang, ça circule. La peau, c'est plus difficile. Il y a de la matière grasse. Il y a de la graisseuse. Deux graisseux, un roteux, mon champion, hein? Wow! Ça fait que là, quand on partait en chanson, Honora puis Ignace, ça ressemblait un peu à ça, mais là, il n'y a pas d'accordéon, on peut pas l'entendre, mais elle s'en allait. Avec l'été qui vient de se décorter. Quand l'automne ne reconnaît plus personne, il y a une angoisse. Mais tout ça vient de Clémence. De Clémence. qui elle aussi peut faire la même chose aussi. À Charles VII, j'ai rendu sa couronne. Tous le fuyaient, je vins à son secours. Pour l'oppresseur, l'héroïsme est un crime. Mon âme au ciel et mon corps au tombeau. Chantes-tu toujours des cantiques à ton poney? Joues-tu toujours de la musique avec ton nez? As-tu rencontré Ulysse dans tes splendeurs? Manges-tu toujours de la réglisse avec du beurre? T'es folle, tout le monde le sait. T'es folle, tu le sais aussi. Mais reste comme ça, dans 15-20 ans, tout le monde le sera. T'es folle, tout le monde le dit. T'es folle, tu le dis aussi. Même les génies se sentent pas mieux. Le tiers du monde est trop sérieux. Dans un pays de parapluies, dans un pays de parasols, j'aimerais toujours ton auréole. Même si t'es folle, l'Atlantide, vois-tu toujours l'œil du spermatozoïde pendant l'amour, l'humour qui faisait ton charme, l'as-tu toujours? Je t'envoie un télégramme rempli d'amour. T'es folle, tout le monde le dit. T'es folle, tu le dis aussi. Mais reste comme ça, dans 15-20 ans, tout le monde le sera. T'es folle, tout le monde le sait. T'es folle, tu le sais aussi. Pas mieux, le tiers du monde est fou furieux. Dans un pays de parapluies, dans un pays de parasols, j'aimerais toujours ton auréole, même si t'es folle. C'était Big Bigger. Mais je n'oserais pas faire de publicité parce que lorsque je dois remplacer des morceaux, je paye le plein prix. Si on me dit, bon, ben moi, ça me dérange pas, tu sais, je fais de la radio. Le représentant de ma console m'arrive et dit, écoute, tu nommes l'endroit, comment dire, je veux pas dire console, pas encore, ça fait quoi, ça fait 4 fois que j'ai console. Je veux pas que tu dises ma console, le nom de ma console, là, mais tu fais oui, oui, tu le dis. Tu dis le nom de ma console, mais sans dire console. Bon. Fait que moi, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, là. C'est un monsieur bizarre. Puis le pire, c'est qu'il écoute les rancées canadiennes depuis le début. Ça doit pas trop aider pour lui et pour les autres. J'ai un texte à vous lire. Je vais essayer de vous lire. Comme je l'ai écrit petit, pas certain de pouvoir essayer de... Là, t'es rendu, mon champion, que t'as un problème auriculaire. Non, oculaire. Là, c'est pas l'auriculaire, vous. Moi, je... Non, mais on m'a déjà expliqué, je suis pas spécialiste, là. J'étais au bar, appuyé au bar, puis il y a un gars qui m'a dit, « Connais-tu l'histoire des yeux? » Oh, mon Dieu, j'ai dit, « Les yeux. » Ben, je connais l'histoire des dieux, mais des yeux, peut-être un peu moins. Quoique, j'ai des yeux, mais j'ai pas de Dieu, moi. Comme disait Léo Ferré, Dieu, non, s'il te plaît, passe à autre chose. 2 cafés, 1 crème, puis pas de sucre. Dans mon cas, c'est 5 sucres. 2 crèmes, 5 sucres, c'est engraissant, puis pourvoi. Non, mais il faut étouffer le café qui est mauvais. Tu sais pas au départ si on va t'offrir un bon café. Ah, il y a des spécialistes là, qui hument. Oui, non, moi, je... Je vais le prendre noir. Pardon? Je vais le prendre noir. Là, t'es quelqu'un qui connaît pas ça. Voyons. Moi, je vais prendre 3 sucres, 2 crèmes. Si vous voulez rajouter 3 sucres, 2 crèmes, enlevez du café. Pouvez-vous enlever un peu de café? Mettez de l'eau. Dilué, c'est mort. Wow! La journée est partie. Il a même pas bu, puis il est parti heureux. Il part heureux, ce gars-là, puis... Mais il a payé, là. Il paye. On reviendra voir le monde comme avant. Sur cette véritable stagnation qui se déclenche ici, face à la folie aussi miraculeuse que majestueuse des mots qui se mobilisent sans l'emprise de la nostalgie. La nostalgie, camarade! La nostalgie, camarade! La nostalgie, camarade! La nostalgie, camarade! La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. La nostalgie, camarade. Il y en a pas! Voyons, il y en a pas, le texte le dit qu'il n'y en a pas de nostalgie. L'avez-vous entendu? Vous l'avez entendu, mais l'avez-vous compris? Il y a 2 affaires, là. C'est entendre et comprendre. Les deux ne vont pas normalement. J'espère que souvent ça se juxtapose, là. J'ai compris, j'ai entendu, j'ai compris. Mais tu te rends compte dans une entreprise que c'est pas parce que tu l'as dit que ça a été compris. Donc, je le redis. On reviendra voir le monde comme avant. Sur cette véritable stagnation qui se déclenche ici, face à la folie aussi miraculeuse que majestueuse des mots qui se mobilisent sans l'emprise de la nostalgie. Là, je fais pas « La nostalgie, camarade ». C'est une chanson de « La nostalgie, camarade ». Avez-vous des références? « La nostalgie, camarade ». Une chanson, un album reggae, 2e reggae. Après ça, c'est arrêté. « La nostalgie, camarade ». Si vous voulez savoir, Reynald Québec a commencé le programme. Je le dis assez souvent, on ralentit. Non, ça risque d'être long. J'ai pas le temps. J'ai dépassé mon temps. Parce que mon invité a des choses à me dire plus intéressantes que ce que je fais depuis le début. On ne voit. C'est un autre texte. On vous revient sans vous chercher. Oh. Peux-tu le répéter? Oui. On vous revient sans vous chercher. Aujourd'hui, le vendredi. Non, lâche le vendredi, c'est lundi. Ben oui, mais ma cassette, j'ai dit un mois et demi. Laissez-moi un mois et demi. Non, ça fait déjà un mois, là. Un mois. On va dire un mois. On va laisser une chance. Non, c'est. Il est lent. C'est pour ça qu'il aime ça, faire des cerfs-volants. Il se sent aussi impressionnant que ce qui tient au bout de la corde. Hey, continue à voler, hein? Tu me représentes en haut, là. Hey, monsieur, j'ai bien peur que le cerf-volant pique du nez. Aujourd'hui, le lundi 4 décembre 2017, c'est parce que je vais trop vite. Faudrait que je me ralentisse un peu, là. 4 décembre 2017, lundi, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de zone. Hein? De nos. Ouais, mais parce que j'ai eu le zona il y a quelques semaines, puis on dirait que j'ai encore été traumatisé. Mon médecin, il ne croyait pas à ça. Mon troisième zona en 6 ans. Normalement, on a un zona dans une existence. Moi, j'ai dit peut-être que dans les autres, j'en ai pas eu, là, du zona. Pouvez-vous vérifier? Il m'a dit, voyons donc. Non, c'est un médecin. Écoutez, mon cher ami, nous ne sommes pas aussi évolués que vous l'êtes, là. La vie après la mort après la vie après la mort. Combien de vies vous avez eues, vous? 3. Mais là, les 2 derniers, j'ai pas eu du zona. Est-ce que c'est du rétroactif, cette affaire-là? Peux-tu avoir, si, là, j'ai eu 3, fait que dans ma prochaine vie, il n'y en aura plus. Ben, il y en aura une, parce que c'est, vous me dites, une par existence. Le médecin est parti. Le docteur est parti. Je pense qu'il a abandonné son travail. Il a trouvé ses traits. Non, mais j'ai des questions intéressantes, moi, là. Non, mais dites-vous que si vous avez aujourd'hui le zona, ça va aller dans votre autre vie. Mais connaissez-vous ce que vous avez vécu avant? Sinon, vous êtes dans le trouble. Étiez-vous ambassadeur? Chanteur? Trouble-fête? Ou même chômeur? La question. Moi, la question, mais moi, je suis pas là pour faire une recherche approfondie de tous mes auditeurs et auditrices. Et puis j'en ai. Oh, mon dos, à tour de pièce, à tour de pise. C'est pour ça que la tour de pise penche. Sais-tu pourquoi la tour de pise passe? Comment? Sais-tu pourquoi la tour de pise penche? Tous mes auditeurs sont en haut, fait qu'à un moment donné, si tu sors de mouvement en bas, ça décalage, ça va tomber, débarquer, écoutez plus, allez ailleurs, allez écouter autre chose, là. Déracinez-vous! Il est audacieux, j'aime ça les audacieux. Je vais vous dire que nous allons entendre, là, rapidement comme ça. On va arrêter l'introduction. Vous allez entendre Mélissa. Et Palmionini, c'est là que ça se passe. Je l'avais écrit autrement, là. Et Mélissa et Palmionidi. Je pense que je l'ai. Mélissa et Palmionidi. Mélissa et Palmionidi. Voilà, je l'ai. Alors, nous sommes ce soir avec Mélissa et Palmionidi. Je nous souhaite bonne émission. Voulez-vous que je vous l'appelle? E-P-A-M-I-N-O-N-D-I. Là, vous allez me dire, ben oui, c'est Epaminondi. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Mademoiselle, de la musique, et ensuite, nous allons entendre la suite de la fuite. Bonne écoute. À la fenêtre ouverte, j'entends mes amis en transe. La table au danse les oiseaux. fait ta peau. T'as tué pas sa boule. T'as tué fait sa mort. T'as tué fait pas net. Oh, pas net. Oh, pas net. T'as tué pour niche. T'as tué Fugata. T'as tué Fugata. faire réfléchir le public Oui, parce que c'est le réfléchir sur, sur finalement qu'on peut voir vivre différemment ou voir différemment sans, sans partir loin. C'est juste en changeant le regard, en changeant par exemple ce lieu-là, le fait qu'il soit juste étroit. Ouais. Sinon il est tout comme un autre lieu, mais ses dimensions n'étant pas les réglementaires font qu'on en a une autre perception. Mais du coup nous-mêmes on sort de nos conditionnements, en tout cas normatifs, et ça permet d'ouvrir un petit peu la soupape et de voir autre chose que le classicisme que l'on présente. Voilà, et d'être un peu plus au présent peut-être, ou en tout cas dès qu'on est amené à ne pas être dans les mêmes schèmes du quotidien. Voilà. Forcément, on est plus attentif, donc plus présent. On est plus bousculé aussi par ce que l'on ne connaît pas. C'est ça. On est plus interrogatif, on se pose des questions, donc on se remet en question. C'est ça. Et toi, le travail, même au cinéma, c'est des vidéos, c'est de remettre en question. Toujours réfléchir sur quelque chose, sur un thème, sur une vision, sur la sensibilité, sur l'esthétisme aussi. Ouais. Beaucoup sur l'esthétisme. Et ça remonte à l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enfance pour que tu deviennes un artiste aussi éclaté au niveau créatif? Je ne peux pas vraiment... Enfin, pourquoi aussi que le champ soit aussi large, je ne peux pas vraiment dire. Mais par contre, je sais qu'il y a une sorte de point de départ qui est la maison d'enfance, ma maison en Corse, qui est un ancien moulin avec une rivière, avec un jardin, avec la cabane que j'avais. Donc j'avais ce rapport très... J'étais dans la nature, j'étais assez solitaire, donc rêveuse. Et donc tout ça... pour moi était constitutif. Je ne pouvais pas d'ailleurs imaginer que, même encore aujourd'hui, hein, cette maison, cet ancien moulin, je ne peux pas imaginer ma vie sans. C'est pas possible. Et donc c'est un point de départ. Oui, voilà, mais ça veut dire que le sol, enfin en plus les choses n'ont jamais changé vraiment. Et donc pour moi c'est des images imprimées et c'est très aussi forte, Ouais, très fortes. Donc comme. Et qui te poursuivent encore aujourd'hui. Ouais, qui m'intéresse beaucoup. Pas dans ce sens, non, c'est plutôt comme une référence de laquelle part mon imaginaire, on peut dire. Ouais, il y a quelque chose de très, avec des frontières très marquées à chaque fois, Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque création, tu essayes de retrouver tes yeux d'enfant, l'esthétisme de ton enfance, la sensibilité aussi de ton enfance? Je pense que je crois que peut-être un artiste ou quelqu'un de sensible, il reste, ça ne change pas, c'est pas chercher à retrouver, c'est plutôt... Continuer à... C'est comme ça, c'est tout le temps. C'est voir toujours au travers... C'est pas avoir perdu l'enfant que l'on était. C'est au contraire, presque, il est trop présent. Enfin, il serait très... Continuer à enrichir cette enfance-là. Voilà, oui, en tout cas, c'est... À collaborer, à ne jamais freiner cet élan-là. Voilà, oui, au contraire, oui. Parce que ça, l'enfant, ça, c'est justement re-questionner, c'est voir. Et ça, c'est une chose que... étant adulte, on aurait tendance à perdre. Voilà. Et donc, pour toi, c'est une référence quotidienne, constante, enfin, peut-être pas quotidienne, mais constante dans ta créativité. Oui, c'est d'essayer de voir, c'est d'essayer de toujours re-questionner, même en architecture, partir de toujours de soi. Et c'est pour ça que tu prends tes contrats souvent ici et tu les amènes là-bas pour retrouver sa ligne médiane-là, ce fil conducteur. Oui. Ce cordon ombilical. Peut-être, on peut... Inconscient, peut-être. Oui, sans doute. Ça, c'est justement, c'est tout. Je pense que c'est toujours chercher à trouver d'où les choses partent. Et continue d'exister. Malgré les années, malgré ce qui peut arriver, les ruptures ou ou les virages aussi créatifs, parce qu'on n'est pas obligé de rester dans un même carcan. On peut, bien sûr. Est-ce que tu vois, toi, un fil conducteur? Est-ce que depuis les années que tu fais ça, depuis combien de temps à peu près? Le film, enfin les vidéos, j'ai commencé en 2008. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou si c'est une continuité tout à fait normale depuis le début? Tu ne poses pas la question? Oui, non, je me pose. Enfin, si, je me pose. La question, si forcément, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est vrai. Et est-ce qu'on est en train de. Est-ce qu'on redit toujours la même chose? Radote-t-on? Oui, ou alors est-ce que vraiment c'est très différent? Ou on le dit, mais autrement à chaque fois. Ouais. On dit la même chose, mais autrement. Oui, oui, je pense que tout est lié. Enfin, mais parfois, c'est, par exemple, les vidéos que je fais sont quand même très différentes de ce film-là, rien que par rapport à ce dont tu parlais, c'est-à-dire l'esthétique, ouais. Du coup, n'est pas aussi... découpée. Oui, aussi léchée, on va dire, aussi. Ouais. Parce que ça vient plus d'une impulsion, aussi du moment. Et donc là, m'importe moins. La question, pour moi, le cadre est très important. Mais après, la qualité de l'image, c'est dans ces cas-là, hein, quand c'est vraiment une vidéo spontanée, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est vraiment de capter une image. Par contre, le cadre, oui, ça reste le cadre et comment je vais filmer, comment je vais me déplacer ou comment... Il y a ça, le travail c'est super important. Voilà. Mais voilà, du coup, s'il y a c'est moins abouti, je ne suis pas bloquée sur ça. Donc, tu veux plutôt proposer un discours que de te freiner à une force esthétique. Oui, voilà. Par exemple, là, il y a en ce moment une vidéo qui s'appelle Plage, qui fait partie d'une exposition en Espagne, à Palma de Mallorca, au Musée d'Art Contemporain et Musée Moderne et d'Art Contemporain de Palma. Et ça rentre dans le cadre d'une expo qui s'appelle, qui décrit un peu le tourisme. Okay. Et pour des îles comme Palma de Mallorca, pour la Corse, c'est un phénomène très fort. Oui, c'est oui. Presque une. Enfin, j'allais dire un mot un peu fort, une forme de colonisation. Enfin, okay, il y a quelque chose de très violent. Enfin, puis le comportement. Vous êtes envahis. Nous-mêmes. Vous êtes envahis. Oui, mais nous-mêmes, en tant que touristes, chacun peut aussi avoir changé de position. Et c'est une drôle de rapport. C'est un drôle de rapport à un territoire. C'est un drôle de rapport à l'autre. Enfin, ceux qui sont les habitants à l'année de ces lieux. Et donc j'ai filmé. Là, simplement, c'est en marchant. C'est un plan séquence. En marchant, vraiment les personnes sur la plage qui sont sur des transats. Et finalement, je les ai filmés de très près. Et c'est comme s'ils ne me voyaient pas, alors pourtant je suis vraiment là. Et c'est vraiment. Mais tu te fonds dans. Ouais, je sais pas, dans ces moments, j'ai l'impression que je suis transparente. Enfin, je sais. Et finalement, ça fait partie de cette marche. Pourtant, je suis vraiment là, mais en tout cas, ça a fonctionné cette fois-là. Et c'est vraiment comme une histoire d'un individu à 50 cm, ils sont à 50 cm les uns des autres, et chacun est dans son monde, chacun est dans son histoire. C'est comme si c'était une histoire d'un transat à l'autre, c'est incroyable. Et c'est un rapport qui n'est pas du tout alors qu'on est face à la mer. Donc finalement, je filme dos à la mer, les gens sont là pour être sur la plage, la mer, etc. Mais en fait, finalement, ils sont dans leur monde. Oui, il y a quelque chose de très... individualiste. De très cloisonné. Take another look, my heart vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. De me replonger dans mon enfance terrible et très souffrante. Heureusement qu'il y a ces vagues pour me rappeler ce souvenir très spécial où, dans la vie, tout changea soudainement car j'avais trouvé un ami qui venait du fond de l'océan. J'ai trouvé j'étais tout seul, j'étais perdu, j'étais couché près d'un ressort. La nature est belle et bronzée, et puis là, dans mon bas, je l'ai vu, elle me s'est dit, ah, il est beau, le carapace, elle a des pattes, il s'étire, et de grands yeux d'or, demandez-moi. Et les mecs que j'en ai fait, je l'ai pris, ramené chez moi, puis là, je l'ai montré, puis j'ai fait, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Je l'ai restant, il a pris des cours des fesses, il est beau, très élevé, sur ses mains, ses cailles, cailles, cailles. Camisole peinture et en journée en bleu, c'était le plus beau des travaux. Le mari se guette à moi, il est gardé dans mais un tigre de son propre cadavre. Peut-être de chat et corps de bain ou de plus de pas. Puis de pas se marcher des peu. Cherchez mieux à te flinguer. Tout le temps, j'aurais pu le garder pour des bulles dans ma veste. Quand on se fait perdre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré car je ne pouvais plus aller. C'est passé là. Je crois que j'ai perdu un bout de... Ah oui, nous en étions. Ah oui. Enchanté! Enchanté! Je vous présente mon crabe de poche. Enchanté! Enchanté! Je vous présente mon crabe de poche. Ah oui. En Corse? En tout cas, peut-être dans une rivière, ouais. Ou ouais, j'hésite entre l'eau de mer et l'eau de rivière, mais les deux se rejoignent à un moment. Oui, effectivement, de l'eau reste de l'eau. De l'eau reste et même ça passe par le robinet. Et ça passe par le robinet. Si tu étais une ville. Une ville. C'est drôle parce que, enfin, c'est, j'allais dire, en fait, il y a deux villes qui me plaisent beaucoup. Beyrouth et Athènes dans les années 80. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne moins ton dada aujourd'hui? Par exemple, Athènes? Oui. Athènes, parce que c'était beaucoup plus chaotique. Et un peu plus villageois, finalement. Moi, j'avais... En fait, à 12 ans, j'étais avec l'école, on était allé visiter. Okay. Et voyant cette ville, on nous disait, mais c'est très, très pollué. Bien sûr, on est allé voir tout, ouais, sauf la ville. On est allé voir les ruines, c'était magnifique, bien sûr. Mais la ville en elle-même avait aucun intérêt à montrer à des enfants, à personne, puisqu'elle est moche. Tout le monde considère qu'elle est moche. Donc, moi, je trouvais ça très beau, le skyline de ces bâtiments blancs avec les antennes partout, la fumée grise. Ce chaos-là, ça me donne une impression. Il y avait un côté très oriental à cette ville aussi. Je sais pas comment l'exprimer. Et Beyrouth, ça m'a vraiment fait un effet très fort. Ça t'a dérouté? Ça m'a dérouté, exactement. Mais je sais pas, sans doute. Et ça m'a plu parce qu'il y a quelque chose de vivant, enfin du chaos, de pas organisé au sens strict. J'aime bien ce côté, cette rugosité-là. Mais même dans tes œuvres, tu aimes bien le chaos en général. Ouais, ouais, je crois que peut-être je... Oui, en tout cas, ça donne des ouvertures, Ça permet de se reculer et de regarder d'où vient le chaos. Oui, ou ça permet de se perdre dedans aussi. Oui, ok. Voilà. Toi qui parais une fille calme et posée, tu veux avoir l'iris provoqué. Tu veux avoir des chocs. Oui. T'es une fille de choc, t'es une fille de... Oui. J'ai besoin de... Enfin, que oui, les... qu'il y ait des choses... Que tu parles. Avec oui, violence. Voilà, que ce soit pas mou. Oui. Et que... Oui, c'est ça. Mais qu'il y ait une réalité. Enfin, pour moi, c'est une forme de réalité, sinon c'est une forme d'endormissement. Oui. Si tu étais une langue. Une langue? Une langue parlée, donc. Comme tu veux. Jean-Claude Dreyfus a dit une langue de cochon, mais lui, il vénère le cochon. Ah, mais toi, ça sent le cochon aussi? J'aurais pu te présenter Jean-Claude Dreyfus. Comme Oui, mais une langue, comme tu veux. Lui, il est toujours porté sur le cochon, donc... Alors, je dirais... J'aime la langue, en tout cas espagnole, par exemple. Okay. Le chanter, mais l'argentin plutôt, enfin, le sud-américain. Eh oui. Ouais. Très sensuel aussi. Très sensuel. Si tu étais une époque. Alors, une époque, je suis plus intéressée à ce qu'on ne connaît pas encore, donc le futur. Ok. Mm. Le déchiffrage. Le déchiffrage. Ça, c'est une question ou c'est... Oui, tout à fait. T'es une fille qui veut pas suivre le sentier déjà proposé. Oui, c'est ton côté chaotique. Voilà, c'est ça, c'est l'inconnu, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu étais un mot... Un mot? Un mot, il y a tellement de mots que j'aime, mais là, qui ne me viennent pas. Ok. C'est un mot qui ne te vient pas. Voilà. Ouais. Parce que justement, ils ne me viennent jamais. Je cherche toujours mes mots. Voilà. Ah oui? Mais ça paraît pas. Ah oui? Ouais. Pourtant, je... Ouais. Pourquoi? T'es trop rêveuse? Je pense que peut-être je suis très émotive. C'est ce que je disais au début. Voilà. Et l'autre chose, c'est que aussi je cherche à tellement préciser ma pensée que les deux. Ok. Parce que toi, la complexité, c'est d'essayer de trouver le mot juste à quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est très. Mais la justesse peut être modifiée. Parce que la vie est changeante. Tu penses que ça peut être. J'ai une sorte de. Et ça, c'est très. Peut-être c'est très romantique comme vision, et pourtant c'est pas l'être. Ouais, je sais pas, de penser que la justesse serait comme une forme permanente. J'ai l'impression, en tout cas. C'est peut-être pour ça Ouais, comme si on va chercher. C'est l'os, la moelle, Les racines, les racines. Ouais, donc c'est vraiment le dur, quoi. Autour de ça. Tu peux prendre d'autres formes, mais il y a une forme de. Enfin, la justesse serait la. Au-delà de tout le... Quand on a tout gratté, là... du coup, ça pourrait se maintenir, en fait. Ok. Et toi, tu es sur cette visée-là? Moi, j'ai cette intuition-là. Ok. Et tu essayes d'y parvenir ou tu crois quelquefois avoir mis le doigt dessus? Je sais pas si je... Ça, la question de mettre le doigt dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Ouais, je cherche toujours à trouver l'essence. Enfin, ça paraît comme ça un peu. Des grands mots, mais. Non. Bon. Philosophique, tu trouves que c'est trop philosophique? Je ne sais pas, c'est plus prétentieux en le disant, ça me fait bizarre, mais c'est vrai, je le vois comme ça. Ouais, je le vis comme ça. Je réfléchis en même temps. C'est pour ça que, comme disait un Québécois, un journaliste québécois, il dit lorsque je réfléchis, j'ai l'air con. C'est génial. C'est pour ça qu'il ne fait jamais de télévision. Donc, mais une somme à la radio. Le mot, on l'a dit. Hein. Si tu étais un aliment. Un animal? Non, un aliment. Un aliment? Oui. Moi, j'ai pensé tout de suite à une carotte. Ok. pourquoi pas. Chez nous, y a, à Québec, il y a une épicerie qui s'appelle La Carotte Joyeuse. C'est bio, c'est pas mal. Si tu étais une saison. Une saison? Le printemps, bon, oui, le printemps. Ouais. Le titre du film de Duras, c'est Les mains éclectiques. Ah, voilà. Oui, le titre maintenant me rappelle voilà. Quelque chose, mais je l'ai. Alors, excuse-moi, j'avais trouvé, là, j'ai eu un ensoleillement voilà. Intellectuel. Si tu étais une saison, c'est le printemps. Le du printemps, coup. Ok. Ouais. Oui, le début que, du soleil, le début de. Oui, c'est quand même. La Renaissance. Oui, c'est quand même assez fabuleux de voir. Ouais. Quand tout renaître. Ben, même dans une ville, parfois, on peut, la ville peut se transformer s'il y a des arbres. Ben oui, c'est surtout c'est dingue, ça. Quoi. Oh, oui. Et après, par exemple, cette année, j'étais en Corse. Constamment, hein. Ouais, j'étais en Corse à ce moment-là. Et comme il a beaucoup plu cet hiver, du coup, la lumière était crue, vraiment super lumineux, mais très crue. Et comme il a beaucoup plu, la végétation était mais boostée vraiment, mais des verts, des jaunes, des genêts. Aimes-tu prendre des photos? Explosion. Non. Juste, pourquoi? Enfin, je prends peu de photos. Ah, parce tu n'aimes pas prendre la photo? Aimes-tu la photographie? Ah, si, j'aime. Oui. J'avais compris si j'en prenais. J'aime la photographie. Et après, j'en prends peu. Par exemple, je ne vais pas faire une photo de quelque chose que je trouve beau. Ou par exemple, d'une ville, si je pars quelque part visiter un lieu. Je ne vais pas le prendre en photo parce que j'ai besoin de faire ça que si j'ai un projet précis. Okay. Sinon, j'ai l'impression de... Que c'est, je préfère le garder dans mon. Ok, ouais, okay. Dans okay mon parce esprit. Que là-dedans, c'est encore plus fleurissant. Oui, voilà. Et c'est pas collé à la réalité. Surtout qu'après, ça, pour moi, qu'est-ce qu'on en fait si elles ne sont pas. Moi, j'ai besoin que ce soit dans un projet précis. Ouais. Ok. Ouais. D'aller pour photographier, pas faire une photographie au milieu d'eux en parlant ou en tournant. Non, si je photographie, c'est que j'ai quelque chose. Il faut que ce soit motivé. Un mouvement artistique. Voilà, ouais. Et sinon, je ne veux pas prendre de photos, ce que j'aime. Je crois que la photo que tu peux prendre, en dehors de ça, ça pourrait devenir art. Oui, parfois, c'est le cas, mais je me limite. Ta motivation première, c'est. Ouais. Je veux pas. Enfin, surtout avec le téléphone, on peut en faire. Ah oui, non, moi, je te parle d'un appareil, là, comme voilà. Je vais te montrer tantôt, parce que je veux prendre des photos, ben, si tu veux. Donc, si tu étais une saison, tu m'as dit le printemps, si tu étais un membre corporel. Sans doute les mains. Les mains éclectiques. Voilà. Tout se relie, hein. Allez les mecs, on leur en balance une shit tracks dans la gueule. qui coule à couloir va te faire foutre cette enculée. Sois en mauvais garçon, ça chute là, t'es un amant. Quand les mots, les mots qui te donnent vite, enfin tu veux que les rimes en maigre. Pour les membres, membres qui souffrent de sang. T'as pas de flics, les flics sont tous des cons. J'ai des rythmes, je suis le tché du sang. Ouais, c'est ça quoi, tu connais le tché. Eh bien, moi, je suis pareil. J'suis de la guérilla, la gesta. Sauf que moi, c'est avec ma musique, mon style, mes rimes, en fond que ça pète, ouais. Et fais les politiques, les pétasses à la mode du moment, c'est ce qu'on vous va te faire enculer. Parce que dans la ligne des démons, ils sont debout, debout, debout, debout, les sexes sensuels. Que tu me brises au mec. Pour les mômes, les mômes, les mômes qui s'usent pour rire. T'as le fric, tu triques toutes ces codes. J'ai le rythme dans le microphone. Ouais, c'est ça quoi. Les nanas, elles ont son poids de nom M.I.C. Et puis c'est bien normal, mec, parce que ça va être avec moi, ça va péter, ouais. Société, système triste, terne, ses peines, ses veines, nous va te faire enculer. Dès que ton but t'es même pas en tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on va t'en dans le deux. Plus que mille les veines en maître. Pour les mondes, les mondes, les mondes qui n'ont pas de. J'ai fait des vides, j'ai des tous ces cons. J'ai le rythme, le flingue et le pognon. Ouais, et puis c'est moi qui fais la loi dans mon quartier, mon ghetto. Ah si tu me croises, mais faut que tu m'évites. Sinon ça risque de péter, ouais. Bon, bon, bon, bon. Ramasse-la, vas-y pour une petite finale gangsta. One, two, three, four. Don't know what to do. Wait till the sun come up and left them in a ruin. moment de la journée? Un moment de la journée, plutôt, je sais, ce serait la fin de journée, le moment du coucher de soleil, là, ce moment un peu horizontal où... tout le monde commence un peu à tout le monde est, respirer, ouais, le se détend. Enfin, il y a un truc de... Okay. Mais même sans le boulot, je me souviens même enfant qu'on est... ça nous impacte, ouais, ce moment-là. L'école est terminée, hein? Je pense que c'est même pas lié à l'école. Je crois que c'est vraiment lié à... Il y a quelque chose dans l'air, on ne travaillerait pas, on ne ferait rien, que l'homme est sensible à cela. Il y a quelque chose qui fait que ça le rassure. Ouais, il y a quelque chose de... Parce que là, le soir arrive, le sommeil également va se pointer le nez. Ouais, c'est comme un autre jour, enfin la nuit est comme un autre jour versant. Aussi. Hein, ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a plusieurs versants dans une journée. Voilà. Il suffit de le voir et d'être attentif. Parce que pour voir, il faut être attentif. Ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Ça, c'est génial, parce qu'il y en a plein. Un autre individu, donc c'est un être humain. C'est... Ben, comme tu veux. C'est pas évident parce qu'en fait, bien sûr, me viendraient d'emblée des personnes dont je loue le travail. Mais après, leur vie même, je ne... On la connaît pas, donc ça peut parfois être... Parfois, on la connaît, elle est terrible. Okay, ouais. Par exemple, si je pense à Chantal Akerman, parce que j'adore son travail, c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui s'est suicidée, donc ça fait bizarre de se dire « je voudrais être Et elle. Le suicide, c'est l'ultime violence. Oui, c'est l'ultime chaos. Elle était mal, en tout cas. Oui, pas pour se suicider, oui. Oui, mais elle a été mal pendant un bon moment avant de le faire. Donc, Mais crois-tu que dans la création, pour arriver à quelque chose, on doit avoir on doit avoir une souffrance? Ou si on peut créer en dehors de cette souffrance? Je me demande. Mais en même temps, comment ne pas avoir de souffrance? Vivre, c'est pas facile. C'est pas même enfant, même... Vous voulez la natte? Enfin, même sans avoir de choses... La vie, en général, quand même... ce que l'on voit. Du monde, ce que l'on voit. Après, est-ce que c'est une condition pour créer? Je pense que la condition pour créer, c'est peut-être pas la souffrance, c'est peut-être la sensibilité. Enfin, la réflexion peut-être. Oui, c'est en tout cas être interpellé par tout. Enfin, être interpellé par ce qui se passe, questionner ce qui se passe. Donc c'est une forme d'être ultra sensible. Oui. Voilà. Oui. À choisir, parce que tu fais le même chemin? Ah oui. Ouais. Tu aimes ton parcours, disons que j'ai l'impression que c'est pas possible autrement. Ok. Mais parce que je pense que les choses pour moi sont quelqu'un. Ouais, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu lent. J'ai une façon comme ça et de passer par des champs disciplinaires aussi différents. Je trouve que l'architecture, c'est intéressant pour faire autre chose aussi. Voilà. Proposer autre chose. Présenter autre chose. Ouais. Quelle sorte de musique que tu écoutes? C'est très varié. C'est très varié, ouais. C'est très large. IE, c'est-à-dire? Là, je ne veux pas... En plus, les noms à chaque fois m'échappent. Ok. Et puis depuis, pour être honnête, depuis le MP3, j'ai perdu le rapport à la musique. Parce que j'ai un rapport, c'est le rapport à l'objet qui me manque en fait. Okay. Moi j'ai besoin de l'objet pour... Le disque, voilà. La pochette, c'est ça. L'ensemble de tout ça. Ouais. Okay. Donc, je suis passée au vinyle, mais le vinyle... Mais sinon, quelle sorte de musique que tu écoutais avant de décrocher? J'écoute vraiment plein de choses très différentes. Je suis très sensible à la musique. Hein. Je peux écouter du classique, je peux écouter de la musique électronique aussi, mais vraiment très bonne, quoi. Enfin, tout ce qui est très bien, j'aime. Très bien, c'est selon quoi très bien? J'aime par exemple Patti Smith, des gens comme ça. J'adore des femmes, par exemple, comme elle, façon... ouais, c'est très... L'authenticité qu'elle... Ouais, c'est qu'elle amène, c'est la poésie qu'elle amène. Ouais, Et cette violence aussi qu'elle amène. Ça, pour moi, c'est... J'aime pas la technique, j'aime la... L'effet que ça donne, l'effet, le résultat. Est-ce que tu te considères comme féministe? Je sais pas. J'ai jamais aimé, en fait, être dans un mouvement. Ok. Étiqueté comme tel. J'ai toujours eu une réticence à ça, mais assez violente, même politique, etc. Mais bien sûr que je suis intéressée par toutes ces questions-là et que d'une certaine manière, on peut dire que oui, évidemment. Et est-ce que ça paraît dans ton travail, le côté féministe, ou tu veux pas trop... Je sais pas si ça paraît, enfin si ça peut se voir, je me suis jamais posé la question. Par contre, peut-être dans le travail de l'architecture, par exemple, travaillant avec des femmes. Plus en architecture qu'en vidéo. Je travaille qu'avec des femmes, le collectif, nous sommes trois filles. Ça donne pas ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne très bien avec les femmes parce que c'est très direct. Surtout qu'il n'y a aucun rapport de séduction. Ouais, c'est hyper. Voilà, ça aide beaucoup. Et du coup, c'est hyper direct. Ça me plaît beaucoup. C'est ça, mais entre filles, vous comprenez rapidement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de. C'est pas de. Y a pas, on n'a pas besoin de. Non. Ça va. Non. Donc, c'est plus facile pour toi de travailler avec les filles. As-tu un agenda bien rempli? Est-ce que ta vie artistique, créative est sur une longue durée? Comment tu dis? Est-ce que as-tu un agenda bien rempli? Ah, un agenda bien rempli? Ah, c'est l'agenda que t'as pas compris? Oui, j'avais pas entendu le mot agenda. Ouais, t'as-tu un agenda très étoffé? Il semble que oui. Il semble que oui. Oui, oui. Quand tu parles à des copines ou à des copains, il me semble qu'on ne peut pas se rencontrer souvent. Voilà, il semble que oui dans ce sens. Après, je... Salut, pourquoi? Après, j'ai un rapport au temps tellement spécial, tellement distant. Et temporel, je suis tellement à côté de la... La plaque? De la plaque du temps. Donc j'oublie déjà ce que j'ai fait la veille. Est-ce que tu vois quelque chose? Quelque chose? Non, moi je sais pas ce que tu veux. Je vais prendre un chocolat. Un chocolat? Non, merci. Oui, ok. Oui, non, j'ai un agenda très rempli. Après, j'ai l'impression que on a toujours envie de faire plus. Voilà. C'est ça. Et dans le travail à venir, est-ce que tu veux faire une sorte de continuité? Est-ce que tu veux poursuivre ton discours? Ou tu fonctionnes par instinct, sans aucun barème? J'ai une obsession de continuer, enfin d'avoir une fenêtre. Possible, trouver une fenêtre où exprimer, travailler, enfin montrer ou faire surtout. Donc c'est mon obsession. Est-ce que c'est beaucoup demandant pour toi de créer? Est-ce que c'est beaucoup de demandant? Est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts? Ça vient de tout ça? Est-ce que tu dois t'arrêter et t'appliquer un peu comme une étudiante devant ses devoirs? Ou si... Non, c'est quand même plus des choses... Des flashs? Oui, c'est plus des choses qui viennent en faisant d'ailleurs, plus qu'en imaginant. Ok. Oui. Et ces flashs-là, est-ce que c'est continu? Est-ce que tu en as tout le temps? Tu prends des notes? Tu as un livre? J'ai commencé ça il n'y a pas longtemps, de prendre des notes pour tenir le fil des choses. Je fais ça un jour par semaine. Un jour par semaine, ok. Voilà. Ok. quelques heures, quelques minutes pour, ouais, pour juste un genre de journal. Voilà, ouais, c'est ça. Qui est, oui, un journal et un... Ouais. Est-ce que tu préfères, encore là, c'est difficile de répondre, là, c'est comme un enfant, préfères-tu le petit dernier ou... est-ce que ça se complète bien, la Corse et Paris? Oui. Ah oui, oui, ça se, c'est essentiel pour moi. Je... Le bazar, après ça, t'amène le calme et la relaxation de la Corse? On peut dire, oui, en tout cas, enfin, c'est pas toujours calme et relaxant d'ailleurs, la Corse. Ça dépend de la saison, ouais, on en parlait tout à l'heure. Puis pas seulement, après, c'est des événements qui s'y passent aussi, c'est un côté aussi étouffant, enfermant. Hein. Ouais. Ah ouais, ils sont vraiment moins qu'en fétiche. Que la tête stratant, mais qu'elle est pas à point. Des stratégies, des casques et fusils, des machines à gaffe. Des flammes d'exhaust, ah ouais, ils sont vraiment moins qu'en fétiche. Que la tête se retombe, réglée par la pointe. Que la tête se retombe. Des capes, des franges, des masques, des fouettes, des cadeaux de la marde. Des bottes, des barres, ah ouais, une souris, mon bout en fétiche. Ah ouais, une souris, mon bout en fétiche. Des ressorts, des mallettes, des chapeaux, des gros chars, ben des sports, des cigares, des bijoux, des pots, des flots, des chants, des bouquets, des cadeaux, des flashs, des mailles, des rimes, des clous, des drills, des manottes, des matraques, des calottes, des chauds bouquins, tu caches ton mot. foule, et pas nos slogans. L'accès, l'accès, est son décor. Corps à foule, corps à pute, corps à pute, glissant. Publicité, corps d'antenne, corps dansant, d'instant dans des patients psychologués. Sans mettre ce topo et ton problème, c'est quoi c'est correct, parce que moi. De quoi? Que c'est? Fuck you! Appelez l'État, les poètes, les fêtes d'instinct, les corrects, tu voudrais changer le monde sans figurer. Difficile pour les dents tapant, des mains dans des tendances. Lance encore ta grâce, ça roule sur le bord. Changez le cassant, lampe, lampe, pendaison et fendant les plus puissants. Et qui reste pas, et décalé, des bandes pleines, parce qu'avant la table, sans danse, tout est plein de boudons. Moi je m'en fiche, par sa taille. Moi je m'accorde dans mon lit. De quoi? Voyez des voyous, c'est bandé, ma tête fait sortir les bancards. C'est le cœur ressenti, le dévot des sols. Franchement, je suis mal, car c'est beau, les bêtes sardins. En deux, sur les pirates, là-haut, sur les pirates, là, sur les pirates. Quand on se rend dans les fils d'âge, quand charge, j'en ai plein son minute. Pardon, c'est que les sandits, avec un savant, la personne, la natale, la natale, pour la deux, la dite. Change de personne, puis de l'escalier, l'on en fout, puis je m'en crise. I've never had a true 11-year-old my fantasy. you seek to destroy. You got it in your hands. Can you help us? Can you understand? So you are yourself. So you are something. Everything I've seen, it doesn't change a thing. Sometimes it comes to time that sometimes it's over. Sometimes I understand that it's our time over. So you seek to destroy. My mother and my brother and my sister and my lover. Don't you know you fools? Would you understand when this report your father grows your soul debase? I can see you too. I'm not a violent person, make exception for you. Can't you see it all falling into place by the shine in their eyes and the smiles on their face? Take a look around and there's not a place. It could be me or you, face to face. I don't wanna fall, let it all be gone, but now it's all gone. Didn't last long, those are the days where you couldn't go wrong. But they're back again.